t'étais le centre, t'as tourné la veste. Oui, mon équipe est dans la navette. Balle dans la tête si tu manifestes. Ils vont tomber comme des dominos. La rue nous a rendu parano. Si je t'ai paniqué ta mère, c'est que je me suis retenu. Je vais t'allumer, mais pas maintenant. Je te connais pas, va te promener. Fais le match, une balayette. Avec ton corps d'allumette. Tu veux faire peur à la bête. La rue, c'est pas les désanimés. T'as fait l'andouille, on t'a pardonné. La prochaine fois, tu vas cavaler. On va t'attraper, on va te calciner. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. Ça tu remplisses pas les mollets. Ça tu remplisses pas les mollets. Ça tu remplisses la tête. On fait pleurer ta mère, mais on vise pas les mollets. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. Dans le ghetto, on est trop. Et mes négros passent à l'assaut. Tu veux la guerre, on est chaud. Si t'as les couilles dans les métaux. Ambiance plata au plomb, mon diamant qui éclat. Ça tire en l'air pour une sortie de placard. Serre-moi un verre, je te fais fumer le pétard. Poto m'appelle, je dois partir, je fais un peu tard. T'auras ce qu'il faut, passe me voir, je suis à l'usine. Comme Bimo, je suis cagoulé dans mon hasi. Les jaloux, je les vois pas. Recharge jacuzzi. Avec ta cousine, je leur fais la guerre. Comme aux Philippines, tu fais de la merde. Eh ben fallait pas là, je suis dans la cuisine. Et je la laisse dans un salette. On s'en fout de toi, car pour nous, tu es naze. On a fait du sale, tu nettoies tête en l'air. Je suis une étoile filante, je me dirige vers les airs. On galère, la galère qu'elle a niqué sa mère. Entraînée pour la guerre, alors on va la faire. C'est pas tes ailes qu'on jette, mes décors à la mer. J'écoute pas conseil, je sais faire les affaires. Les rageux, les jaloux, allez niquer vos mères. Je suis pas dans votre monde, des gens que Lucifer. Non, je suis pas dans votre monde, des gens que Lucifer. 13-0-16. Entraîné pour la guerre, alors on va la faire. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. On est des hommes et des vaillants. Ça tu remplisses pas les mollets. Ça tu remplisses pas les mollets. Ça tu remplisses la tête. On fait pleurer ta mère, mais on vise pas les mollets. On est des hommes et des vaillants.